Un peu de BD, oui, puisque donc la grande nouvelle de la semaine, ce n'est pas la sortie du nouveau système d'exploitation d'Apple macOS 10.5, ce n'est pas non plus la sortie du tant attendu Harry Potter dont nous avons parlé en générique, c'est bien entendu la sortie du tome 3 de Zo, la fabuleuse BD de Franck et Bonifay. Je sais d'ailleurs pas si on dit Bonifay ou Bonifay, mais logiquement Bonifay, hein, je pense, c'est un Toulousain. Pardon, c'est pas du tout un Toulousain, bon, c'est un Français. Je pensais que c'était un Toulousain, pourquoi est-ce que je... Bon, bref. Donc c'est un ami français. Et donc je vous disais qu'on attendait ça depuis longtemps. Eh bien, en effet, puisque le tome 2 de Zo est sorti en 1999, puisqu'on en parlait, 99. Oui. Bon, voilà. Et la saga, oui, tout à fait. Et la saga elle-même avait commencé en 94 dans la collection Air Libre de chez Dupuis. C'est d'ailleurs assez amusant puisque si vous avez les premières éditions de ces albums, eh bien, le premier tome est paru dans l'ancien format d'Air Libre. Donc avec l'espèce de logo en triangle là qui faisait un petit peu imitation Delcourt. Et puis la maquette a été revue depuis et maintenant Air Libre, ben, c'est toujours un logo en triangle mais il est plus discret dans le bas. Et voilà. Les BD sont plus grandes. Et les BD ont très exactement le même format. Ah, autant pour moi. Elles n'étaient pas plus grandes avant ? Non, en fait, il y a eu, depuis qu'ils ont changé de directeur de collection, si je ne m'abuse, il y a certaines BD de la collection Air Libre qui sortent en plus grand format, mais pas toutes. Il s'autorise une petite... une variation dans les formats, le cas échéant. Alors, Franck est un auteur de BD qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, pas très prolifique, mais que moi, personnellement, j'adore depuis très longtemps, puisque c'est lui qui, dans les années 80, dans Spirou, dessinait deux BD qui sont devenus cultes depuis. Je veux parler de Broussailles, bien entendu. Broussailles, c'est culte, mais c'est quand même fort connu, puisque malgré tout, il y a 5 albums parus chez Dupuis Repérage, dont les deux derniers, je pense, n'ont pas été prépubliés chez Spirou, donc ça devient une série qui est quand même relativement grand public. Mais Franck, c'est aussi le dessinateur de L'Élan. Ces petits strips en noir et blanc. Personne ne se souvient de L'Élan, voyons. Ah non, mais c'est parce qu'ils sont trop jeunes. Mais les gars, il y a un petit album demi-format de L'Élan qui est sorti chez Dupuis il y a quelques années, mais qu'on trouve encore. Ouf. Oui, si. En cherchant bien. Oui. Bon, bah vous pourrez aller le chercher à Manganima, machin, non ? Oh, il y aura sûrement bien des gens qui... Comment ça s'appelle ? Asianime. Asianime, voilà. Ouais, mais je pense que L'Élan n'est pas... pas très japonais. Pas suffisamment oriental pour... Je me souviens de quelques strips cultissimes de L'Élan où il fait semblant de faire du manga, il est dessiné un peu à la manga. Enfin bref, L'Élan c'était très très drôle, c'était des petits strips à l'américaine, 3 cases. Et donc c'était chaque semaine dans Spirou, c'était vraiment super poilant. Mais c'est vrai que le vrai fond de commerce de Franck, c'est la nature, les belles couleurs, les récits un peu éthérés comme ça. Dans Broussailles, il y avait c'est un personnage qui mélangeait à la fois la naïveté de l'adolescent et en même temps une espèce de poésie, de nostalgie, de retour à la nature et d'émerveillement devant la beauté de la nature en général. Le dernier album, Voyage au Japon, c'est vraiment ça, c'est découvrir une nouvelle culture et émerveillement devant la beauté de ce qu'il peut voir. Franck a aussi dessiné un album qui s'appelle Comme un animal en cage et qui se passe aussi dans la jungle, qui est aussi dans la même veine graphique, à savoir des personnages un peu grognés, donc un peu pas très très réalistes, mais dans des décors qui le sont et qui sont absolument magnifiques. Et Franck, c'est avant tout un dessinateur, c'est pas spécialement un BDiste. Comment est-ce qu'on dit ? Ben, je ne sais pas ce que tu veux dire. Un type qui fait de la BD. Un auteur de BD ? Voilà. Je ne sais pas. Hein. Des fois, je suis bête. Hein. Bon, c'est pas spécialement un auteur de BD, c'est surtout un dessinateur. Pour preuve, il a publié, il y a peu de temps, ça, des carnets de croquis de Broussailles. Puisqu'au départ, Broussailles, il faut savoir, c'était des fiches nature dans Spirou. Mais ça, c'était carrément à la fin des années 70. Et puis petit à petit, c'est devenu un personnage de BD qui a vécu des récits en une planche, et puis en quelques planches, et puis des récits complets en 44 planches. Il a publié des carnets de croquis, et il a surtout publié un très très bel album, ça date un peu, ça date de 89, qui s'appelle Entre chats, et qui est exclusivement composé de petits textes, d'esquisses, de crayons de couleur, d'encre, d'aquarelles, sur des chats, qui est un animal qui le passionnait. C'est absolument magnifique. Et donc, avec Zo, qui est sa dernière production BD en date et qui s'étale sur 13 ans finalement. On retrouve vraiment toute sa passion de l'illustration à travers même les personnages, puisqu'un des personnages de Zo est sculpteur, est artiste, et très clairement c'est la projection du monde artistique de Franck qui se fait dans la bande dessinée. Alors l'histoire de Zo, elle est assez vaste. Ça se passe en Normandie, juste avant la Première Guerre mondiale. Le premier tome commence en 1913, où on retrouve Célestin, qui est un homme d'âge mûr, qui dirige un très grand zoo, qu'il entretient son mieux, mais visiblement le zoo est un peu abandonné, donc ils ont des petits soucis financiers, etc. Et puis on est juste avant la Première Guerre mondiale, donc il y a plein de réfugiés de l'Est qui arrivent en France à ce moment-là, et notamment Anna, qui fuit son pays parce qu'elle a été, elle a eu plein de soucis avec les gens de son village, avec sa famille, etc. Et il se trouve qu'elle est mutilée. Sa mutilation est relativement atroce puisque on lui a arraché le nez, ce qui fait que non seulement elle est défigurée, mais elle a perdu le sens de l'odorat. Et on va voir que le fait de ne pas avoir d'odorat est quelque chose qui est assez particulier, puisque tout au long du récit, c'est une BD, il n'y a pas d'odeur, mais on est baigné dans un monde où très clairement ça doit être plein d'odeur. D'abord parce que c'est un zoo. Un zoo, ben ça sent l'animal, c'est normal, hein. Bon. Et puis il va y avoir toute la partie du récit qui va se dérouler dans la France de la Première Guerre mondiale, donc avec des combats, avec des tranchées, avec des morts, etc. Où là aussi très clairement il doit y avoir une odeur. Et Anna est un personnage qui va passer à travers tout ça sans rien sentir, et pour cause, elle n'a plus de nez. Alors l'histoire en fait est une espèce d'histoire un peu chorale, puisque on a donc Célestin, on a Anna, et Célestin vit dans ce zoo avec sa fille qui s'appelle Manon, petite jeune fille tout à fait charmante, très vive, un peu particulière, qui a l'air de s'identifier très fort aux animaux, et avec Buggy qui est sculpteur. Et Buggy qui a une relation amoureuse avec Manon, la fille de Célestin. Buggy, on l'apprendra plus tard, a été un peu adopté comme ça par Célestin. Célestin, c'est un peu Noé, quoi. Ce zoo, ça a l'air d'être un peu une arche de Noé perdue, prête à se perdre dans les flots de la Première Guerre mondiale. Et Célestin dirige tout ça. Il est médecin, mais sans forcément savoir où il va, mais avec une tranquille assurance. Petit à petit, les événements vont se préciser. On arrive dans la Première Guerre mondiale et donc Célestin, médecin, va être engagé de force un peu. Enfin, va être, comment est-ce qu'on dit, mobilisé pour servir dans les tranchées. Le tome 2 se terminait sur le départ de Célestin pour la guerre, sans qu'on sache très bien ce qui allait lui arriver. Alors dans ce tome 3, eh bien on va avoir des nouvelles de Célestin, elles ne sont guère bonnes, puisqu'il a disparu. Et en fait, tout ce tome 3, au niveau de l'action, va être pas très riche, dans le sens où il s'agit d'une quête. Anna va décider de quitter le zoo, de traverser les lignes françaises et de se rendre sur la ligne de front pour aller à la recherche de Célestin. On croit par moments qu'elle est un peu amoureuse de Célestin. C'est clairement le personnage qui est le plus proche de lui en âge, et pourtant c'est plutôt le père qu'elle n'a pas eu. Et donc elle va subir des épreuves terribles, puisque c'est la Première Guerre mondiale, ça ne rigole vraiment pas, pour finalement avoir des nouvelles de Célestin. En aura-t-elle? Je vais pas le raconter parce que quand même c'est quand même la fin de la BD. Voilà. Donc une espèce de d'épopée comme ça. Donc clairement le récit n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est pas la ligne de récit qui est chouette, c'est les personnages, et surtout c'est la manière dont ils sont racontés en images par Franck. C'est une BD où il n'y a pas énormément de dialogue. Il y a des passages épistolaires avec des textes qui sont lus par les personnages, mais il n'y a pas des foules de dialogue. Tout passe essentiellement par les regards, les attitudes, les couleurs, et énormément par les décors. Et si cet album est si cher à mes yeux, c'est notamment à cause de ses couleurs. Franck a tout fait. Il est au dessin, donc la technique est relativement traditionnelle, mais il y a une richesse dans la palette de couleurs qui est absolument incroyable. À la fois une richesse et une pauvreté. Il y a une économie de moyens dans la couleur qui est tout à fait remarquable, dans le sens où c'est presque du noir et blanc. Certaines pages ont vraiment l'air d'être des photos sépia d'avant-guerre, mais il y a des nuances partout dans les décors. Le zoo en lui-même est évidemment un décor qui est absolument formidable, puisqu'il y a des grandes serres vitrées qui permettent de faire des grandes perspectives architecturales un peu à la Skuyten. En même temps, le zoo n'est pas très entretenu, donc il y a les végétaux qui s'introduisent partout, les animaux qui sont... il y en a de moins en moins, parce que petit à petit, comme le zoo va mal, bah, ils vendent les animaux pour essayer de survivre. Et donc il y a une atmosphère de fin du monde qui convient évidemment extrêmement bien, puisque en 1914, clairement, c'était la fin du monde pour ceux qui étaient là. C'était un peu difficile de s'imaginer qu'on allait pouvoir survivre à tout ça. Et c'est vraiment une atmosphère extrêmement particulière. Alors, le truc, c'est que si vous n'avez pas lu le tome 1 ni le tome 2, c'est peut-être un petit peu compliqué de se plonger dans le tome 3. Moi-même, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus relu. Donc c'était un petit peu difficile de retomber sur les personnages, mais si en le voyant et en le feuilletant ça vous donne envie, vraiment n'hésitez pas, achetez les 3 tomes, ruez-vous dessus, il y aura des rééditions. C'est une BD qui est rare et c'est une BD qui est extraordinairement belle, que vous, dans laquelle on se plonge. C'est long, hein. J'ai pas vérifié le nombre de planches, mais il y en a nettement plus que 44, je pense. Je vais regarder ça immédiatement. Oups. Voilà. J'arrive, hein. Oui, oui. C'est parce que je veux bien tout, faire du tout, bruit, hein. Tout, tout, tout, tout, tout. Voilà. Voilà, il y a 76 planches dans ce tome 3. Donc c'est relativement long, c'est des planches grand format et tout. Comme le dessin est très très riche, on peut pas lire ça en 5 minutes, c'est impossible. Vraiment, si vous accrochez sur le graphisme, ruez-vous sur les 3 tomes, vous ne le regretterez pas. Personnellement, je le disais tout à l'heure en antenne, Bruno, mais pour moi c'est la plus extraordinaire BD que j'ai jamais lue de toute ma vie. C'est aussi réussi graphiquement que du Bilal, mais en plus ça raconte une histoire qui est d'une finesse. Ça fait penser un peu à Oncle Vanya ou à d'autres pièces de Tchekhov. Ça fait penser un peu à La Mouette par certains passages, un peu pour cette atmosphère un peu délétère, un peu de fin de journée, fin du monde, de personnages qui se croisent, qui se touchent, mais qui voudraient se retrouver et dont on ne sait pas s'ils vont finir par se retrouver à la fin du récit. C'est extraordinairement beau. Voilà. J'ai du mal à en dire plus, en fait. Je me rends compte qu'il est difficile de rentrer vraiment dans la critique de cet album. Allez feuilleter cette BD, vous serez conquis, parce que graphiquement, c'est une vraie merveille. Graphiquement, c'est absolument à tomber par terre. Et donc, c'est le dernier tome de Zo, c'est l'ultime de la trilogie, c'est une trilogie. Alors, le récit est fini, le récit est clairement fini. Il y avait eu une hésitation, parce qu'au moment de la publication du tome 1, c'était initialement prévu en 2 tomes. Donc moi, en 99, quand j'ai acheté le tome 2, je suis tombé sur le truc où il disait « suite et fin » au tome 3. J'étais absolument horrifié. En plus, cet enfoiré a mis 8 ans à faire l'autre. C'est pas du tout sérieux, cette histoire. Donc, le récit est fini en 3 tomes, mais il est prévu... À la fin, il n'est pas mis... Découvrir une nouvelle aventure. Oui, c'est ça, le deuxième cycle. non, pas du tout. Il est prévu, par contre, le front-il, on ne sait pas, rendez-vous dans 10 ans pour le savoir. Il est prévu qu'un quatrième tome soit publié, mais qui rassemblerait tout le matériel graphique, croquis, dessins, planches préparatoires, projets de couverture, etc., autour de la saga Zo. Ce qui, à mon avis, vaut son pesant de cacahuètes, parce que... Oui, non, plutôt à Noël, alors. Oui, tout à fait. Et donc, je vous assure que c'est pas moi qui fais ces bruits. Ce n'est absolument pas moi, je vous le jure. Il faut savoir aussi que vous pouvez trouver sur le net, mais comme je suis un grand distrait, je n'ai pas recopié l'adresse du site où vous pouviez les voir, mais c'est très facile. Vous tapez Franck Zo tome 3 et c'est la première référence qui va sortir. Vous avez un site qui propose toute une série de textes, d'analyses, etc. Sur les 3 tomes de Zo et notamment les projets de couverture. Alors les projets de couverture sont très intéressants. Moi j'ai une petite réserve par rapport à ça, puisque je trouve que la couverture des 2 premiers tomes, pour moi, était vraiment extraordinaire. La couverture du tome 3, j'ai plus de mal, parce qu'il y a des personnages qui sont dans une perspective très très bizarre. J'ai presque envie de dire que la perspective est fausse, mais bon, je suppose qu'il savait ce qu'il faisait, le garçon. Donc je vais attendre de m'y habituer pendant un mois ou deux, et je vous en reparlerai, parce que là, je... Voilà. Bref, Franck... Un chef-d'œuvre, donc. Un chef-d'œuvre absolu pour moi. Je veux posséder tout ce que Franck a fait. Il y a des planches de dessins d'animaux qui mesurent 2 mètres carrés à la marque jaune. Achetez-les-moi pour Noël, il y a une souscription sur Internet. Mais donc, ruez-vous. Sautez sur cette bande dessinée, c'est une des meilleures choses que j'ai jamais vues. Voilà, c'est bien, hein? Oui. Ça va donner envie aux gens, ça, non? Oui, je pense, hein. Ben voilà. Merci, Xavier. Ben, pas de problème.